d'une horloge, un banc ou près d'un marronnier. Et tu vivras dans mon cœur, mais plus jamais dans ma maison. La route à deux que l'on prenait au grand soleil. Les jours heureux, les soirs de pluie et nos réveils. Ne les laisse pas mourir, étonne-moi de temps en temps. Le toit, viens simplement, étonne-moi.